ne suis qu'un vieux de plus, un streamer perdu dans la masse. Un homme qui a cherché sa trace, mais la vie réelle l'a déchu. Ici je bâtis mon royaume, dans l'ombre d'un écran froid. Je crie, je ris, je parle pour moi, chaque mot devient un psaume. Mon nombre de viewers est faible, les années que je lutte, que j'appelle. Sur toutes les plateformes je me déploie, mais peu s'arrête pour voir en moi. Je veux montrer mon vrai visage, sans masque, sans peur, sans cas. Je me dévoile le cru sans phare, même si ça choque, même si ça part. I am the shadow you don't see, the echo. Born of silence, carved in pain, written in scars, in truth. I am writer, skill eternal, and I speak because of you. De là d'où je viens, on craint personne. Même sans tête, on avance encore. Même les jambes coupées, on pardonne. On écrit sa vie dans les décors. Le temps me vide, je le ressens. De voir si peut marcher devant. Mais j'avance, car dans mes veines coule la braise et coule la peine. Je ne cherche rien, ni gloire, ni or. Juste un mot, une voix, un accord. Votre amitié, vos questions, vos rires. Un instant vrai qui peut grandir. Alors je parle sans concession. Je tends mes mots comme confession. Si vous écoutez, c'est ma victoire. Car chaque souffle devient mémoire. I am the shadow you don't. Born of silence, carved in pain, written in scars, in truth. I am writer, skill eternal, and I speak because of you. Sous l'écran, je vis encore, chaque vibration traverse vos corps. Writer skill marche même dans l'ombre, chaque cri résonne, chaque silence tombe. Mon souffle, ma raison, le feu gravé dans ma maison. Même seul je parle pour exister, même brisé je viens chanter. I am the shadow you don't see, the echo lost in your night. Heartbroken off alive, still burning in the fire. Born of silence, carved in pain, written in scars, in truth. I am writer, skill eternal, and I speak because of you. I am the echo in your scream, the heartbeat you can't let go. Half tempest, half a lullaby, the voice you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood, in truth. I am writer, skill eternal, and I speak because of you. Je suis writer skill, l'ombre sincère, la voix qui tremble dans vos nerfs. Même si peu viennent écouter, je continue, je viens parler. Sous vos regards je laisse ma voix. Même seul je chante pour moi. Et quand le jour s'éteindra, mon ombre encore résonne.